Bonne nouvelle pour l'allié défensif de natif de Jonquière, David Ménard. Il a signé un contrat avec les Alouettes de Montréal. Et question un peu de savoir s'il y avait d'autres formations et qu'est-ce qui a fait en sorte que les Alouettes, qu'il a signé avec les Alouettes, on lui parle. Salut David! Salut, ça va bien? Ça va bien David. Effectivement, bonne nouvelle pour les amateurs de football au Québec. Tu as signé une entente comme joueur autonome avec les Alouettes. Pourquoi avoir favorisé les Alouettes? Ah ben écoute, c'est sûr que j'ai déjà je pense avoir plus de football de jouer qu'il m'en reste à jouer. Donc j'avais envie de commencer à me revenir dans l'Est un petit peu, m'établir plus chez moi. Puis c'est sûr que de jouer devant les partisans québécois, puis de jouer chez nous si on veut. C'est quelque chose qui pesait dans la balance. Est-ce que le fait également, est-ce qu'il y avait d'autres formations qui étaient intéressées à David Ménard? Oui, ben Ottawa puis la Colombie-Britannique OK. était encore intéressée. Donc c'est les trois formations qui m'ont montré le plus d'intérêt. Est-ce que Danny Machocha t'a proposé vraiment ou t'a garanti un poste avec l'équipe, compte tenu, je sais que l'année passée avec BC, t'as pas commencé l'année, on t'a rappelé en saison, est-ce que Machocha t'a garanti un poste avec l'équipe? Précise ta question, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que Danny Machocha vraiment t'a garanti un poste avec le club, compte tenu que l'année passée, t'avais pas commencé l'année avec les Lions? C'est par la suite, on t'avait libéré, on t'a rappelé. Est-ce que les Alouettes, Machocha, t'a garanti que tu vas être avec le club cette saison? Ou ça va être un poste, il va falloir que tu gagnes ton poste? Ben, écoute, il va falloir que je gagne mon poste, c'est sûr, mais les équipes en ce moment qui signent des joueurs, ils signent pas les joueurs qui voient pas dans leur formation, ça c'est sûr. Là, j'avais un contrat de 2 ans l'année dernière avec les Lions, puis j'ai joué la première année, puis c'est à la deuxième année qu'ils m'ont retranché. Donc c'est sûr que quand tu signes un nouveau contrat, c'est sûr que l'équipe te voit avec eux. Sinon, ils signeraient tout simplement pas. T'sais. Le marché des joueurs autonomes a ouvert hier. Auraient pu signer. Ils peuvent encore signer tous les joueurs qui voient dans leur équipe. Puis s'ils ne seraient pas intéressés, je pense qu'ils ne m'auraient pas signé. Là. OK. Est-ce que le fait que les Alouettes, il y a vraiment une vibe vraiment positive depuis l'an dernier, depuis Kerry Jones, depuis également depuis que Danny Machocha est arrivé, est-ce que ça aussi, ça a joué en la balance? Parce que tu as dit j'aurais aimé ça jouer dans la liste. Tu aurais pu aller jouer à Ottawa aussi. Donc certainement que ça a dû aider aussi. La vibe. Absolument. Ouais. Oui, absolument. Quand je me suis fait retrancher l'année dernière, je regardais beaucoup ce qui se passait à Montréal d'un œil. Oui, c'est sûr, j'attendais que quelque chose se passe pour peut-être jouer chez eux à Montréal, mais finalement ça a été Vancouver qui m'ont rappelé pour que je puisse retourner jouer là-bas. Mais je regardais ce qui se passait à Montréal, puis c'était quelque chose de très intéressant, puis. Le Québécois en moi était vraiment content de voir ce qui se passait à Vancouver avant et même après que je re-signe, je veux dire à Montréal, avant et même après que je retourne à Vancouver en fait. Le fait de pas avoir de centre d'entraînement fixe, est-ce que ça, c'est... Parce qu'on disait tout le temps, j'écoutais Pierre Vercheval dire... Manique, c'était pas, ça aidait pas les Alouettes de pas avoir les signatures de joueurs autonomes. Est-ce que ça a été un irritant par contre? Fait que les Alouettes ont ben, pas de... écoute, ouais. Je pense que tu le décris bien. C'est un irritant. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel faut s'arrêter? Non. Okay. Je pense vraiment pas que c'est un problème en soi. Comme tu dis, c'était un petit irritant. C'est pas la meilleure solution. Mais c'est comme je le répète là, est-ce que c'est un problème? Non. Puis les Alouettes trouvent le moyen de gagner des games pareils, puis l'année prochaine on va trouver le moyen de s'améliorer pareil. Au final, c'est ce qui se passe le jour du match qui compte sur le terrain. Donc c'est pas une problématique. C'est sûr, ça pourrait être juste une meilleure situation, mais est-ce que c'est une problématique? Non. OK. David, pour le reste de la saison, il se passe quoi pour toi, la saison morte? Est-ce que tu reviens dans la région? Est-ce que c'est quoi là, qui va se passer? Ben écoute, moi, depuis quelques temps, je reviens toujours m'entraîner à Montréal parce que j'ai comme une espèce de petite équipe de travail ici. Là. J'ai un coach qui fait mes entraînements de track and field J'ai mon physio ici, un masseau qui est compétent ici aussi. Donc, tu sais, j'ai tout à la portée de la main ici à Montréal. Et puis, là, en plus, le fait d'avoir signé à Montréal, ben, c'est sûr que c'est une bonne chose que d'être dans le coin. Donc, moi, c'est à Montréal que ça se passe. Puis, je reviens toujours me ressourcer au Saguenay chez nous. Puis, ça changera jamais. Mais pour l'instant, c'est à Montréal que je veux m'établir. Okay. Ben David, félicitations. On va te suivre avec les Alouettes cette saison. Puis au plaisir de se reparler. Super, merci beaucoup. David Ménard, natif de Jonquière, qui a signé une entente avec les Alouettes hier.